l'avion il est prêt. Il faudra que tu chutes de départ. Regardez, tu n'as pas confiance en moi. Je ne te toucherai pas. Tu n'as pas confiance en toi. Tu as peur d'aller dans les bois. Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu ne veux pas aller dans les bois avec moi? Tu as peur des champignons. Tu préfères les marrons. Tu n'as pas confiance en moi. Pourquoi tu ne veux pas? Tu n'as pas confiance en toi. Allez dans les bois avec moi. Tu as peur de la rosée qui va te mouiller les pieds. Il faudra te sécher. Je ne vais pas regarder. Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu ne veux pas aller dans les bois avec moi? Pourquoi tu ne veux pas? Tu n'as pas confiance en moi. Je ne te toucherai pas. Tu n'as pas